Il y a quelques années, quand notre fille Geneviève est décédée, on était convoqué au chez le notaire, la famille et Richard, et sa soeur Richard, et, sa mère Richard, qui ont été convoqués. Et ils ont fait une lecture d'un testament et que ma fille a jamais fait. Parce que si tu ne fais pas de testament, la société en fait un pour toi. C'est obligatoire. La société décide de tout ce qui va arriver avec tes biens. Et Richard a eu des surprises parce qu'il y avait une partie des biens qui partaient, qui s'en allaient à ses enfants, qui n'avaient pas de toucher. Donc, c'est pour lui. Là, il réagissait, là, il wow, wow, wow, c'est quoi cette histoire-là? Puis le notaire a répondu, un testament, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Tu n'as pas le choix avec ça, tu ne peux pas changer ça. Le testament est fait. Il va falloir le respecter. Même si ma fille n'avait jamais écrit un testament. Parce que la loi fait le testament pour toi. La société fait un testament pour toi. Donc, une partie des biens, le tiers, si je ne me trompe pas, des biens, va aux enfants. Fait qu'il est obligé de donner aux enfants des choses qu'il avait, des argents. Donc, placer ça dans des fonds de fiducie pour les enfants. Il a droit d'utiliser les intérêts de ça, les montants, pour, mettons, envoyer les enfants à l'école, privée, ce genre de même. Il n'a pas le droit de toucher pour d'autres choses. Puis, il n'a pas le droit de toucher lui-même. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui signe. Et une partie de la maison, s'il vend la maison, il est obligé de donner une partie de cet argent-là, doit aller dans le compte des enfants. Et tout, donc, un tiers de tout ce que ma fille possédait, ça en est dû à ses deux enfants. Et donc, pas longtemps après, au début, c'était un fait un testament, parce qu'on n'avait pas d'autre non plus. Fait que j'ai dit, hop, on va faire un testament, pour être certain que tu vas hériter, toi, tu décides ce que tu veux faire, c'est toi la dernière vivante, c'est pas les six enfants qui vont décider qu'est-ce qui va arriver. Mais après, tes enfants sont plus là, ça fait pas la même chose. Peu importe, nous on a dit on y va, parce qu'on avait encore des enfants à la maison, nous autres on avait encore deux enfants. On avait encore Jérémy et Anne qui étaient sous notre toit. Et, ouais. Et je ne sais pas à quel âge ça commence. Parce que je ne suis pas sûr que le fait qu'ils sont majeurs, ça éloigne ça. Je ne suis pas sûr que ça éloigne ça. C'est des études, ça dépendait. Il faudrait vraiment s'arrêter. Nous, en tout cas, on est allé voir, on a résolu le problème. On a fait un testament, ça nous a coûté 50$ pour c'est fini là. Parce qu'on l'a fait nous-mêmes. On l'a fait juste contre-signer contre des agents. Mais moi, j'ai acheté le kit sur Internet. Puis je t'allais faire signer ça sur un partenaire. Okay. C'est ce que t'as ça vend pour le gouvernement, je pense. Oui, c'est pour le gouvernement. Ouais. Mais tu sais pas, c'est pas le gouvernement, c'est autre chose, mais c'est approuvé par le gouvernement. Oui. Mais un testament, ce que je voulais faire ressortir, c'est que le notaire a dit, le testament, tu peux pas le changer. Tu peux sauter, se péter d'un plomb, fais ce que tu veux. Le testament, ça ne se change pas. La personne est morte, c'est fini. Tant qu'elles sont vivantes, c'est autre chose. Mais tant qu'elle est décédée, et ta femme, et ta fille, à part moi, c'est fini. Ah, il peut y avoir des ententes entre vous autres, parce que vous êtes affamés, mais la loi dit ça. Nous, on va faire respecter la loi. Et ce que je parle de ça ce soir, parce que dans notre texte, dans Galates 3, verset 15, on parle de testament. Si vous avez la même Bible que moi, que je n'ai pas ouvert encore, que je vais ouvrir, et il y en a parce qu'il y a des Bibles qui n'ont pas le mot testament. J'ai vu ça hier en lisant dans d'autres réunions. Et dans le verset 15, c'est marqué « Frère, je parle à la manière des hommes. » Il prend un langage, vous comme Jésus prenait un langage que tout le monde comprenait. Donc il va tirer de la vie de tous les jours une image pour donner une instruction spirituelle. Un testament en bonne forme. On va entendre une minute, Lise n'est pas arrivée. Lise n'est pas avec nous. T'es rendu où, là? T'es où, là? Galates 3. 3, 15. 3, verset 15. Non, c'est pas convenant. C'est pas une bonne traduction, je dirais, pour convenant. Convenant, c'est alliance. Et nous, c'est testament. C'est pas tout à fait la même chose. C'est will. A will. C'est en anglais, normalement. Le mot convenant, pour moi, n'est pas bien traduit dans ce moment-là. Okay. Un testament, parce qu'une alliance, on va voir tout à l'heure, on va expliquer. Une alliance avait toujours deux personnes impliquées. Dans un testament, il y a juste une personne impliquée. Mm. OK. Une alliance, c'est deux personnes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « aux descendances », comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, elle ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. La première chose qu'on voit, c'est que Paul nous dit que Dieu a fait un testament. Mais je recule un petit peu. On est en train de regarder dans Galates que les faux docteurs juifs voulaient que les juifs qui étaient là, chrétiens, pratiquent la loi pour être sauvés. Okay? Et ils ne rejetaient pas Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est là, oui, notre sauveur, mais en plus, il faut observer certaines choses. Il faut faire des œuvres, observer la loi pour être sauvé. Et Paul est dans ce débat-là de me démontrer que non, il n'y a pas besoin de faire la loi pour être sauvé. On a vu la semaine passée que Abraham, par la foi, la justice avait été imputée dans son compte. Hein? Dieu l'avait déclaré juste par la foi. S'il va démontrer une autre chose, encore avec Abraham, il va continuer avec la même ligne d'Abraham, il va démontrer une autre chose qui est vraiment intéressante à comprendre pour nous qui sommes de ce côté ici, bien loin d'Abraham, 4000 ans d'Abraham, mais c'est l'exemple qu'on a. Il faut en tirer une instruction. Donc, il dit que Dieu a fait un testament. Il appelle ça, dans le texte, c'est un peu comme une promesse, mais il appelle ça un testament. Il prend comme exemple. Un testament, c'est quelque chose qui ne se change pas. Il dit, c'est un testament fait par un homme qui est en bonne et due forme, ça veut dire qu'il est bien fait, personne ne peut le changer. Personne ne peut ajouter, personne ne peut enlever. Si un testament fait par un homme n'est pas changeable, encore bien moins un testament que Dieu aurait fait. Parce qu'il l'applique à Dieu, cette histoire-là. Ok? Parce que là, il ne veut pas parler d'un testament que quelqu'un aurait fait, mais il veut prendre cet exemple-là pour dire que Dieu a fait aussi un testament. Et dans le verset 16, il dit que Dieu a fait un testament, mais, excusez, un testament n'est pas changeable. Au verset 16, il nous dit qu'un testament, ça contient des noms, des héritiers de ça. Parce que si moi, je fais un beau testament, puis j'énumère tous mes biens, puis je ne marque pas à qui je le cède, ce n'est pas un testament à bonne et due forme. Le notaire va dire que ce n'est pas valable. Si je n'ai pas été sur le notaire et que je vois signer des témoins comme de quoi j'étais saint d'esprit quand j'ai fait mon testament, les témoins vont dire, « Ben là, François, marque un héritier, marque n'importe qui, mais tu peux pas juste dire, j'ai une maison puis je la laisse. » À qui? Pas important. Ben, c'est donné à faire un testament. Donc, un testament, ça contient toujours des héritiers. Okay? Les héritiers, ici, ils contiennent deux noms. Abraham et sa descendance. Abraham, dans verset 16, dit Abraham et sa descendance. Donc, c'est sa descendance qui, lui, dit, cette descendance-là qui est Christ. Okay? Parce qu'il dit, il ne parle pas au pluriel, il parle au singulier. Donc, cette descendance-là est en lignée, parce que la descendance s'en allait vers Jésus-Christ. Et ici, je crois que la descendance a recommencé avec Isaac, puis ça s'en était. Hein? Parce que Dieu avait fait des promesses. Je vais te donner un fils, une descendance, je vais te donner un pays, puis je vais bénir les nations de la terre entière à cause de toi. Donc, il a fait ces promesses-là. Je te donne un fils, je te donne un pays, et je vais bénir toutes les nations de la terre en toi. Cette descendance-là vient de ce sens-là, cette descendance-là. Il y a différentes façons d'interpréter ça. Christ, d'autres disent, cette descendance-là, il est en train de dire qu'il n'y en a qu'une descendance, et non pas une descendance juive, une descendance non-juive, mais c'est toute une descendance. Cette descendance-là qui va jusqu'à Christ, et tous les gens s'attachent à Christ. OK, tous les gens. Abraham, puis nous autres, tout le monde va vers le Christ pour s'attacher. C'est lui la descendance, c'est lui l'héritier de tout ça dans le fond de l'histoire. Mais on se dit, chaque exemple a sa limite, parce qu'Abraham, il n'a rien laissé à Jésus. Là, donc, il n'a pas donné, mais c'est un exemple. L'exemple a toujours sa limite. Okay? Donc, Dieu a fait une promesse, et la promesse qui nous intéresse, nous aussi, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas le pays Canaan, c'est que toutes les bénédictions de la terre, toute la terre va être bénie. Donc, elle va être faisable, ça va être faisable à travers Jésus, cette bénédiction. C'est pas que c'est Jésus qui est visé. Parce que moi, pauvre petit Québécois ici, en l'an 2000, Abraham n'a rien fait pour moi. Là. Hein? Il n'y a pas de bénédiction d'Abraham qui découle sur moi. À moins que je sois attaché à Jésus, puis qu'il faisait partie là, de ça. À travers ta descendance, je vais bénir les nations du monde, toutes les nations du monde. Donc, c'est comme on pourrait dire, un peu la même vérité que de la femme va naître quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. Donc, la femme, là, c'est pas juste Ève. Oui, il y a eu Ève, mais ça a descendu jusqu'à Marie, qui finalement a donné naissance à Jésus. Okay? Donc, Ève était touchée, mais jusqu'à finalement là. Donc, la descendance d'Abraham, jusqu'à, parce que lui était le père des Juifs, jusqu'à Jésus, et à travers Jésus, toutes les nations de la terre vont être bénies. Les nations, on entend-tu tout le monde, chaque être humain? Non, non, non, non. Toutes les nations, dans le sens qu'il va y avoir des gens de toutes les nations. C'est qu'il y a juste une source de bénédiction pour tout le monde. Okay? Toutes les nations vont aller dans la même. C'est pas qu'il va y avoir du monde de sauvé dans toutes les nations. Ça n'oblige pas ça, la phrase. Ça n'oblige pas ça. C'est que toutes les nations de la terre vont être bénies à travers cette descendance-là. Mais il n'y a pas d'autre source de bénédiction. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas d'autre. Toutes les nations vont être. Là. Pas tout, dans toutes les nations du monde, à travers tous les âges, il va y avoir au moins quelqu'un sauvé, une personne sauvée dans cette nation-là. Je ne crois pas que ça veut dire ça. Parce que je crois que des nations qui ont vécu autant avant Jésus qu'après Jésus, qui n'ont jamais vu l'Évangile, qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Donc, on ne peut pas impliquer ça dans ce sens-là. Comme chaque nation va avoir quelqu'un. Mais ceux qui n'auront jamais entendu, jamais vu, Dieu va juger autrement que pour ceux qui vont avoir entendu et dit non. Non, je ne crois pas. Il n'y a pas de balance. Il n'y a pas de balance. Hein. Pas de poids, de mesure. C'est juste un poids. Une mesure. En tout cas, c'est une autre question. On se conviendra un autre jour. C'est une question qui peut pas avoir la réponse dans notre texte ici. Okay. Mais c'est un. Mais ici, ce qu'il est en train de dire à ces Juifs-là, la bénédiction vient à travers la descendance. Est-ce que la bénédiction, on va voir, vient à travers la loi ou à travers la descendance? Mm-hmm. C'est ça qui veut sortir ici. C'est pas combien de gens vont être sauvés dans chaque pays. C'est que, est-ce que la descendance ou l'héritage vient de la loi ou de la foi? Mm-hmm. Ou à travers Abraham ou à travers la loi? C'est ce qu'on va voir. Okay? Mm-hmm. Le Testament, au verset 17, il dit, Dieu a fait une promesse à Abraham. 430 ans plus tard, la loi vient avec Moïse. Là, l'auteur dit, une loi qui est arrivée 430 ans plus tard ne peut pas changer le testament qui avait été fait avec Abraham. Mm-hmm. Et vous, le point d'argument? Il dit, Abraham est mort, Dieu a fait une promesse à Abraham, la loi qui intervient 430 ans plus tard ne peut pas changer ça. Donc, sommes-nous sauvés par la promesse ou par la loi? C'est ça qu'il est en train de dire ici. Est-ce que la promesse faite à Abraham nous atteint? Ou bien non, si c'est la promesse faite à Abraham plus la loi, okay? Ou juste la loi, ou juste la promesse. C'est ça l'argument. Parce que l'argument, c'était, est-ce que je dois pratiquer la loi pour être sauvé? En plus d'être juif, okay? Parce que Abraham était le père des juifs, là. Donc, c'est là que tu as fait le point. On va faire 18. Le testament, un bon testament pour être en bonne et due forme, si je dirais, je lègue, mais je ne marque rien à mes enfants. Là, je ne marque pas ce que je lègue, ça ne donne absolument rien. Je dis, tu lègues quoi? Je ne sais pas. J'ai rien. Je lègue mon linge que je suis plutôt quand je vais mourir. Ça, tu sais, mais ici, il va marquer qu'est-ce qu'il lègue, le verset 18. C'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. L'héritage, c'est la faveur de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas une bâtisse, ce n'est pas la santé, ce n'est pas des biens matériels, ce n'est pas le ciel, c'est la grâce. Dieu a fait, par cette promesse-là, Abraham, un don de sa grâce. Comprenez bien ce qui se passe. Vous avez Abraham qui est là. Dieu vient, puis il dit à Abraham, sans qu'Abraham soit engagé en rien, Il dit, je te fais la promesse que je vais faire ça avec toi. Dieu s'engage. Abraham, Dieu n'est pas obligé de faire ça à Abraham. Dieu ne doit rien à Abraham. Abraham est un foutu pécheur, pareil comme moi. Il ne mérite rien. Le seul exemple que je donne, qui est facile à comprendre, il était avec 5-6 femmes, il n'était pas meilleur que les autres. Et donc, c'était un pécheur, comme tout le monde. Mais quand Dieu lui a dit quelque chose, il l'a cru. Il l'a cru. Il a la foi. Dieu dit, je vais donner un pays, on fait ses bagages, je vais aller. Dieu dit, je vais donner un enfant, il va avoir un enfant. Dieu dit, je vais bénir toutes les nations de la terre en ton nom. Je regrette. Il l'a cru. Mais ça, c'est une grâce de Dieu, parce que Dieu est intervenu, puis il n'avait pas affaire à faire une promesse à lui. C'est comme si tu vas voir, Lise, je te donne demain matin, je te donne une maison neuve. Oh, super. Super. Tu vas dire, merci François. Tu dis, c'est une grâce. Non, c'est moi qui la donne, là. C'est moi qui la donne. Je prends l'exemple, il ne faut pas me dire un autre. Je prends l'exemple que si j'étais à Dieu, là. Mais tu dis, je ne suis pas obligé de faire ça. Tu dis, pourquoi tu me fais ça? Oh, je n'avais envie. Je te fais un don de grâce, je te fais une faveur. J'aurais pu aussi bien le donner à Lucie que le donner à Joanne, le donner à Chéron, puis donner à d'autres. Et Dieu t'a traité et dit à Abraham, je te fais une promesse, Abraham. Je te fais une promesse. Donc c'est une grâce. Dieu fait le don de sa grâce à Abraham. Et on ne sait même pas, la Bible ne nous dit même pas pourquoi il est allé chercher Abraham en Ur en Chaldée, un pays d'idolâtrie. Il est allé chercher là, puis il dit, viens-t'en, je fais de toi mon peuple. On ne sait aucune idée pourquoi il l'a pris. Aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est quand Dieu dit, vas-y, je vais te donner un pays, il y va. C'est tout ce qu'on a. Donc, mais Dieu a fait ce qu'on appelle une sélection. Il est allé choisir quelqu'un, puis il a dit, je vais te bénir. Parce qu'il a créé Abraham pour ça. Il a créé Abraham, oui, certain. Mais en disant je vais te bénir, c'est comme il disait aux autres, c'est toi oui, non aux autres. Oui, c'est bien vrai. Mais il n'a pas dit non aux autres. C'est sûr que s'il croyait, eux aussi par la foi, pouvaient être. Parce que la question qu'il faut toujours poser, c'est que les autres ont dit non à Dieu. Bon, mais lui aussi, dans le fond, si tu dis il était idolâtre, c'est quelqu'un qui disait non à Dieu aussi. C'est pour ça qu'il faut dire oui, Dieu fait la grâce à Abraham. Mais on ne faut pas penser aux autres parce qu'ils sont responsables de leurs choix. Ouais. Okay? Donc, c'est ça qu'est la grâce. La grâce, c'est qu'on vient vers quelqu'un qui ne mérite pas. C'est ça. Donc, mais tu ne peux pas m'en vouloir de ne pas faire la même chose aux autres. Ils ne méritent pas personne. Ouais. C'est ça. Donc, juste dire, oh, il est bon d'avoir fait ça à Abraham. C'est tout ce que je peux dire. C'est comme si tu donnes une maison. Je peux pas dire, je ne peux pas. Ouais, si tu commences à chialer, tu dis, tu as toujours chialé, donc continue à chialer parce que ça fait longtemps que tu chiales. Depuis que je t'écris, tu chiales après moi. Tu es un pécheur, tu chiales après moi tout le temps. Donc, tu vas juste continuer à chialer de mes choix. Tu as chialé après moi parce que je t'avais mis dans le paradis, tu as chialé après moi parce que si, tu as toujours chialé après moi, donc tu vas juste continuer à chialer. Mais là, Dieu manifeste une partie de lui qui est sa grâce. L'autre qui est au côté, qui est condamné, ça manifeste la justice de Dieu. Donc, Dieu se manifeste. Donc, on ne peut pas nous s'arrêter et dire, t'es pas juste. Oui, je suis juste. Je t'avais mis dans le paradis. C'est toi qui es sorti de là tout seul. Je ne suis pas obligé de sortir de là, moi. Tu as péché contre moi. Donc, tu ne peux pas m'en vouloir. Là. Le châtiment, l'enfer, c'est la justice de Dieu. Ben oui. Si tu manges de l'arbre, tu meurs. C'est la justice de Dieu qui manifeste. Parce que si Dieu ne punit pas le pécheur qui a mangé de l'arbre, il devient un Dieu injuste. Parce qu'il avait dit, si t'en manges. Ça aurait été juste des menaces en l'air. Tu sais. Si tu fais pas ça, là, je vais te taper, mon petit gars, là. Puis il fait, puis on ne tape pas. C'est de la menace en l'air, ça veut rien dire. C'est de l'injustice. Donc, dans ce sens-là. Dieu dit à Abraham, il remarquait bien, dans l'Ancien Testament, quand on faisait une alliance, on faisait ceci. On prenait une bête, on la coupait en deux. Juste pour le milieu, on la coupait. On la mettait à terre. Les deux personnes qui voulaient faire l'alliance, ou le contrat, passaient entre les deux, entre les deux morceaux. Ce que j'ai lu, c'est que qu'il nous arrive ce qui est arrivé à cette bête-là si on ne respecte pas notre parole. Okay. Okay? C'est ça que ça veut dire. Si on, que la mort nous frappe si on ne respecte pas, si on ne garde pas notre parole. Comme cette bête-là qui est morte. Okay. Quand Dieu a fait cette promesse à Abraham, il y a juste lui qui est passé au milieu. Juste Dieu qui est passé au milieu. Moi, c'était plus une alliance, c'est comme moi, je m'engage à faire quelque chose pour toi. Okay. Vous la différence? Moi, je m'engage. Je vais faire ce que moi j'ai dit. J'ai promis ce que je fais. Ça, c'est une grâce. L'autre, c'est une alliance. Ça, je disais que le mot alliance, c'est pas bon. L'alliance, c'est que les deux ont la foule qui passe au milieu. Là, on va voir tout à l'heure que la loi est une alliance. Mais la promesse n'est pas une alliance. C'est toujours que c'est ça la différence. Hein? Okay? Et ça, c'est très important qu'on comprenne ça, parce que c'est ça qui fait la différence entre les deux. Okay? Donc, Dieu a fait un testament, un testament à bonne et due forme. Dieu a fait un testament qui a nommé ses héritiers Dieu, dedans, Abraham et ses descendants. Il a fait un testament que la loi ne peut pas changer. Il a fait un testament qui a énuméré l'héritage, qui est la grâce de Dieu. Okay? Maintenant, là, on va voir un autre fait qu'il va falloir que vous vous concentriez, là, parce qu'on va embarquer dans un petit peu plus difficile. Verset 19 à 25, un des passages les plus salés, dans le sens qu'il n'est pas facile à suivre le raisonnement de Paul. Pourquoi donc la loi? Ça, c'est la question. Si la loi ne sert à rien pour avoir la promesse et la grâce de Dieu, à quoi est-ce qu'elle sert? Pourquoi est-ce que Dieu a mis cette paquet de lois-là? À quoi est-ce qu'elle sert, la loi? La loi, ici, il va parler de... vos Bibles ont des mots. Je ne sais pas si Lucie, elle a... As-tu la semence, toi, la soir? Oui. Attends un petit peu, je vais te dire si tu l'as là-bas. Je crois que la Oui. Je crois que... En tout cas, on va voir. Il y en a, vous allez avoir le mot « précepteur ». D'autres vont avoir le mot « pédagogue ». Et d'autres vont avoir le mot « gardien ». OK? Dans votre Bible. On va juste lire, vous allez voir ce que je veux dire. Okay. Pourquoi donc la loi a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée, elle, c'est la loi, hein, a été promulguée par des anges et au moyen d'un médiateur. Probablement qu'on parle de Moïse ici comme médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Non, on dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça? La loi est-elle donc contre la promesse de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la loi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été donnée comme un gardien, un précepteur, il y en a qui ont un pédagogue, okay, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Personnellement, je crois que ma Bible traduit mal ici le mot précepteur. Lucie, tu as une bonne Bible aujourd'hui. Une bonne Bible. Je crois que le mot gardien est plus clair, plus selon le texte, parce qu'il dit que il nous garde en prison. Hein, le mot emprisonner, c'est nous enfermer. C'est le mot prison qu'il y a là. Mettre en prison. Donc, Dieu, comment est-ce qu'on appelle ça, quelqu'un qui doit veiller à ce que le testament soit bien fait? Il y a un nom pour ça. Je vais nommer telle personne comme... pas un tuteur. Il y a un mot tuteur qui est bon, mais il y a un autre nom, là. Hier, on l'a cherché, on l'a pas trouvé. Peut-être qu'on ne trouvera plus s'asseoir. Il y a un nom, je vais nommer telle personne comme... Légateur testamentaire, ouais. Juste de même, là. Celui qui va s'occuper que le testament soit respecté. OK? Ici, Dieu dit... Oui. Mais le mot pédagogue, schoolmaster, en anglais. No good. Mais dans le temps passé, quand la Bible King James était faite, un schoolmaster, c'est un pédagogue qui a plus des doigts qu'un pédagogue aujourd'hui. Parce que le mot pédagogue... Très sévère. C'est pas pédagogue, c'est schoolmaster. C'est plus haut que professeur. Parce que le mot dans le grec n'a rien à voir avec école. Okay. On a appelé ça des schoolmasters parce que ce gardien-là emmenait l'enfant à l'école. Mm-hmm. Mais lui, il n'était pas un schoolmaster. Mm-hmm. Il emmenait l'enfant à l'école, il gardait. Pour pas qu'il soit attaqué ou estropié. Mais c'était un gardien. Okay? Le but, ce n'était pas d'enseigner l'enfant, c'était de garder l'enfant jusqu'à temps que l'enfant prenne possession de son héritage. Okay? Donc, c'était ce que Paul est en train de dire ici. Okay. Il y a un testament que Dieu a fait et Dieu a nommé un gardien pour que le testament soit respecté. Et le gardien, c'est la loi. On ne voit pas ça comme ça. Demain. Nous, la loi, c'était nos commandements de Dieu, ce qu'on essaie de faire pour que Dieu nous accepte. Mais ici, ce n'est pas ça. La loi a été donnée comme un gardien. Ce gardien-là devait nous garder en prison. Jusqu'à temps que la promesse, que celui qui devait accomplir la promesse, vienne. Donc, il dit, je vais vous garder en prison, je vais vous garder dans une position que vous ne pourrez pas avoir la bénédiction sans que la descendance vienne. Vous ne jouirez pas du don de la grâce de Dieu tant que Jésus-Christ ne viendra pas. Donc, je vous garde en prison. Comment est-ce qu'il nous garde en prison? Parce que la loi a été donnée et Dieu dit, OK, je vais vous garder en prison. Vous avez donné la loi, maintenant, vous ne faites pas la loi. Et à cause que vous ne faites pas la loi, je vous mets en prison. Vous êtes punissable, vous êtes condamnable, je vous mets en prison. C'est tout ce que Jésus va dire plus loin. Je viens libérer les captifs. Je viens libérer les gens qui sont en prison. Qu'est-ce qui les mettait en prison? La loi. La loi me condamne. Quand je vais devant un juge aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne me dit pas « je te condamne ». La loi te condamne. La loi te condamne, mon chum. La loi va te mettre en prison. Ce n'est pas le juge, parce qu'on peut changer de juge, puis il va te mettre encore en prison pareil. Parce que la loi, elle avait un rôle, non pas de me purifier pour que Dieu m'accepte, mais de me garder en prison. Plus il y a des lois, plus je suis en prison, parce que je ne les respectais pas. Il y a un monsieur qui a écrit, « La loi a été donnée pour se justifier, la loi a été donnée pour être humiliée. » Pour être humilié. Puis Dieu avait dit, quand le peuple était dans le désert, « Je vous ai fait passer 40 ans dans le désert afin de vous humilier. » Parce que l'homme est orgueilleux. On est orgueilleux. Donc Dieu dit, « Je vais vous humilier pour que vous sentiez le besoin d'être sauvé. » Ce qu'il dit au verset 19, « Elle est donnée ensuite à cause des transgressions. » Il y a certaines traductions qui traduisent « pour manifester les transgressions. » Pour que ça soit évident que vous êtes des pécheurs. Paul va dire un peu plus loin, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Si Dieu n'avait pas dit « tu ne mangeras pas de l'arbre », Adam aurait pu en manger tant que vous voulez, puis il n'y aurait pas de péché. Si Paul dit, s'il n'y a pas de stop au coin, moi j'ai déjà fait un accident une fois, j'étais arrivé au bout d'un chemin, et le chemin est tenté, mais il n'y avait pas eu d'indication avant. Le chemin est tenté, moi j'arrive au bout du wow! On se met à vouloir virer, parce que, mais on n'allait pas vite, parce que c'était le soir, puis il y avait un peu de brumance, fait que on n'allait pas trop vite, mais encore trop vite pour un thé. Pour une curve, on allait quand même pas. On a comme un pied, on a manqué d'un pied, puis on a viré à l'envers dans le fossé. Moi, je délise avec le petit vaux, mais j'étais allé à la ville, à Voirie, du couvert provincial, je dis, vous êtes coupable, vous n'avez pas mis de signe, là. Ils m'ont payé toute ma réparation. Un avertissement, comme de quoi il y avait un thé, puis un stop au bout. Ou bien une pancarte jaune avec deux flèches, même obligation de virer à droite ou à gauche. Il n'y avait rien. Parce qu'il y avait eu un accident avec, puis le gars avait cassé le poteau. Ils ne l'ont pas réparé tout de suite. Les autres arrivaient en arrière, puis ils l'ont planté. Ils m'ont tout payé. Mais le stop n'était pas là. S'il n'y a pas de stop, il n'y a pas de signe. Tu ne peux pas m'accuser, moi, parce qu'il n'y a pas de stop, il n'y a pas de loi. Donc, c'est la même chose ici. La loi, s'il n'y en avait pas, la loi elle a un rôle. Ce n'est pas que je vais acquérir le ciel en le faisant. La grâce de Dieu, c'est elle m'emprisonne. C'est un gardien. Elle m'emprisonne comme un coupable. Jusqu'à temps, elle me met sous la malédiction de la mort. Jusqu'à temps que quelqu'un vienne, on va voir la semaine prochaine, dans deux semaines, que Jésus va venir me délivrer de la malédiction de la loi. Il va venir me délivrer de cette prison-là dans laquelle je suis. Le gardien me garde. Il y a un gardien qui est un homme qui a traduit gardien, c'est comme gouvernant strict. En voulant dire, c'est pas un schoolmaster, c'est pas un professeur qui m'enseigne, c'est quelqu'un qui a un bâton puis qui me garde. Puis dans les anciennes photographies de ce mot-là, c'est des gardiens-là, c'est des esclaves avec un bâton. Mais tu te lis ce que c'est marqué ici? Ça dit ça, la même chose. Un pédagogue en Grèce, le pédagogue était soit un précepteur, c'est-à-dire soit un enseignant, mais soit l'esclave chargé de surveiller les enfants et de les mener à l'école. Tel a été le rôle de la loi. La loi, c'est de nous garder. De nous garder. Surveiller. Pas surveiller pour pas qu'il nous arrive du mal. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Parce que le mot, c'est enfermer, c'est mettre en prison. Donc, c'est que, remarquez-vous, le plus vieux des esclaves, le bien vu, a la garde du futur maître. Et dans quelques années, c'est le maître qui va être responsable de cet esclave-là aussi. Mm-hmm. Moi, je suis au-dessus de la loi. Je vous l'ai dit autrefois, moi, je suis au-dessus du sabbat en tant que chrétien. Et là, ici, je vais être au-dessus de la loi. La loi avait un but, c'est de me garder en prison. Moi, en tant que d'être libéré maintenant, je suis au-dessus de cette loi-là. Elle n'a plus d'influence sur moi, elle n'a plus de contrôle sur moi, elle n'a plus de gérer dans ma vie. Parce que moi, je suis sorti de la prison. Le gardien ne peut plus me garder. Je suis libéré. Maintenant, moi, je ne suis plus sur cette loi-là, je suis sur une autre loi, la loi de Christ que Paul dit. Okay? Cette loi-là n'a plus d'apport avec moi. Elle a joué son rôle. Elle m'a amené à me garder dans la prison jusqu'à temps que Christ vienne me sortir. Et là, elle a joué son rôle pour moi. Elle a encore le même rôle pour les autres qui ne sont pas sortis. Est-ce que ça veut dire que les 10 commandements, on n'a pas à les faire? Ben, tu vas les faire si tu fais ce que Jésus a dit. Aime ton prochain comme toi-même, donc tu vas le faire. Okay. Donc tu vas le faire. Jésus l'a fait, mais il n'était pas sous la loi, dans ce sens-là. Parce qu'il dit, si tu aimes ton prochain, tu aimes ton Dieu, c'est correct. Jésus Paul dit, ben, après ça, la loi de l'amour, la loi de la grâce, la loi, la loi qui n'a pas besoin de règles. Si tu m'aimes, tu n'as pas besoin de mettre de règles. La loi va, l'amour va toujours au-delà des règles. Au-delà des règles. C'est ça que Paul fait avec Philémon. Il dit, j'aurai l'autorité de te dire, mais j'en appelle à l'amour. Parce que l'amour va toujours au-delà de la loi. Okay? Si je te mets une règle, là, c'est parce que je ne crois pas que tu m'aimes tant que ça. Moi, je t'impose. Je t'impose, je te mets une limite. Là. J'ai peur que tu ne le fasses pas. Okay? Je mets une loi. Je peux que tu ne t'arrêtes pas au stop. Mais si on s'aimerait tous parfaitement à Saint-Jovite, on pourrait tout enlever les stops. On vas-y. T'sais, je t'aime, je veux ton bien, je veux te protéger. Vas-y, passe en premier, vas-y. Mais c'est pas ça. Torche-toi, peut-être, il va passer le premier. On s'écrase parce qu'on est égoïste. On n'aime pas l'autre. Ça nous prend des stops. Parce qu'on ne se trosse pas les uns les autres. On barre nos portes en 3-4 tours parce que j'ai peur que tu viennes dans ma maison me voler. Parce que tu viens chercher mes affaires. Je ne te trosse pas pantoute. Donc je t'aime pas. C'est ça que la Bible. Moi, plus je regarde la société, plus je me dis, et qu'on s'aime beaucoup, ouais. On peut chanter qu'on s'aime, oui, c'est quand même des menteurs. On ne se torche pas personne. Non. Je débarque de mon bicycle à pédale, puis je l'attache après pour tout le téléphone, je ne veux pas que tu partes avec. Ben oui. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas de l'amour, ça. C'est de la méfiance, c'est de la peur, c'est de la crainte. Ben oui. Parce que je sais que tu ne peux pas m'aimer tant que ça, puis moi, je ne peux pas t'aimer tant que ça. Donc, mais quand l'amour est là, plus besoin de loi. Mais en tant que chrétien, avec la loi de l'amour, on ne fait pas plus. Non. On n'est pas mieux que les Mais je suis pas, mais je ne suis pas sous cette loi-là, l'ancienne loi que je joue son rôle. Je suis sous une autre loi, la loi de l'amour. Et que je vais vivre un jour en Jésus-Christ quand je vais être ressuscité parfaitement. Sur une autre loi. Okay. Il n'y aurait plus de loi dans le ciel. Il n'y aurait plus du commandement dans le ciel pour me dire quoi faire. Je vais avoir l'amour parfait. Okay? Donc, il faut toujours dire, je suis dans une position, je suis dans une transition, moi, maintenant. Je suis une partie de moi. Je vis comme ça, libéré. Il y a une autre partie de moi qui est encore dans la chair. Fait que là, je suis dans une transition. Le jour vient, parce que je vais vivre parfaitement comme ça. Mais c'est mon désir de vivre comme ça. Aimer mon Dieu, aimer mon prochain. C'est ça que je voudrais. Mais ce désir-là, par la parole de Dieu, me dit, ça va se faire dans un autre temps, à la perfection. Un autre temps à la perfection. Normalement, je suis sous la grâce. Dieu m'aime quand même. Et je dois aimer, mais je sais que je ne suis pas capable d'y arriver à 100%, mais Dieu m'aime quand même à cause de la grâce en Jésus-Christ. Donc, c'est dans ce sens-là. OK, donc, il dit, il y a un gardien. Il dit au verset 19 que ce gardien-là est nécessaire à cause du péché. Donc, le gardien, s'il n'y avait pas de péché, il n'aurait pas besoin de gardien. OK? S'il n'y avait pas eu des péchés, il n'aurait pas eu besoin de loi. Parce que le péché est dans le paradis. Il est venu bien avant la loi de Moïse. Mais pourquoi il a dû mettre une loi? Les gens n'ont pas de mal à personne, moi. Pas si méchant que ça. C'est un bon gars, ça. Dieu dit, OK, on met une loi. On met une loi pour vous humilier, pour que vous voyez que vous n'êtes pas des bons gars et que vous avez besoin d'un sauveur. Donc Dieu, dans sa grâce, a mis la loi. Dans sa bonté, a mis la loi pour nous mettre en prison. Parce que quand tu es en prison et que tu as essayé pendant 1 million d'années d'en sortir, puis tu n'es pas arrivé, quelqu'un arrive et dit, je veux te sortir de la prison. Tu veux-tu sortir? Oui, ouvre la porte, toi je te sors. Parce que là, tu as tout essayé, tu n'es pas capable de sortir de la foutue prison. Okay? Donc, Jésus vient, puis il dit, veux-tu que je te libère? Il dit, oui, je crois. Il te libère, il te sort là-dedans. C'est ce qu'il fait à lui. Mais le gardien a joué son rôle, il m'a gardé en prison. Donc, le gardien était nécessaire à cause que des péchés. Et plus il y a des lois, plus vous allez faire ressortir la méchanceté dans les gens. Et plus vous allez humilier les gens, plus vous allez vous humilier vous autres-mêmes, vous allez humilier les gens. Mettez des règles dans vos maisons, c'est ce que ça va faire. Moi, j'ai humilié mes enfants par un paquet de règles. Ce n'est pas une bonne affaire tout le temps. Parce que faut que la loi joue ce rôle-là, mais en même temps, j'allais sur le bord, il faut que je sois capable d'offrir la grâce. Il faut que je sois capable de parler de la grâce avec une manifestation que je leur montre que, hey, il y a autre chose que ça, là. Parce que les règles humilient. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à les faire. Donc, c'est pas qu'on ne doit pas avoir de règles, mais il faut être capable de comprendre quel est le but de cette règle. Tous vos règles, il y avait une sorte cette semaine d'une femme qu'elle ne voulait pas sortir l'ordinateur de sa chambre à coucher, puis son mari voulait qu'elle sorte. C'est quoi l'affaire? Puis là, tu comprends à travers l'émission que c'est qu'elle veut garder le contrôle de ses enfants pour qu'elle n'ait pas sur Internet fait des affaires qu'elle ne veut pas qu'ils fassent. Mais tu es dans la chambre à coucher, si tu viens là, moi j'ai un contrôle là-dessus, cette affaire-là, pendant que tu es là. Mais elle ne changera rien. Tout ce contrôle-là qu'elle met ne change pas le cœur de son enfant. Non. Elle ne change jamais son cœur de son enfant. Parce qu'aussitôt qu'elle va le douverer, il va aller vers les pieds de la forêt. La loi n'a pas de capacité de changer le cœur humain. Pas de capacité de changer le cœur humain. Tout ce qu'elle peut faire, c'est te mettre en prison, t'humilier. Parce qu'elle n'est pas capable de le faire. Tu n'es pas capable de le faire. Et tu n'arrives pas à le faire. Donc, toutes les lois que la ville en met, on n'arrive pas à les faire. Il n'y a pas un foutu chrétien qui fait toute la loi. Moi, une fois qu'il y avait quelqu'un qui m'a dit, ah, le chrétien, là, il a désobéi à la loi. J'ai dit, tu t'es en train de me dire que tu l'as fait toute, toi? Non. Bon. La punition qu'on va donner à ce chrétien-là, on va te la donner aussi à toi. Ah, ben là, t'es vraiment moins sévère, tout d'un coup. Vois-tu, on devient vraiment moins sévère parce qu'on sait très bien qu'on ne la fait pas nous autres-mêmes, la loi. OK? Donc, la loi est nécessaire à cause du péché. Le gardien, il est là pour un temps, jusqu'à temps que vienne la descendance qui va nous libérer, qui va accomplir la promesse. Donc, la loi avait été donnée pour un temps. OK? Pour un temps. Et donc, c'est pas quelque chose qui était là pour tout le temps dans la vie d'une personne. Et dans le verset 20, il dit que la loi, ou le gardien, joue le rôle de médiateur entre Dieu et les hommes. Remarquez bien, tout à l'heure, il y avait Dieu qui a fait une promesse à Abraham. Maintenant, Dieu a besoin d'un médiateur avec les hommes. S'il y a un médiateur, ça veut dire que toujours deux personnes. S'il y a un arbitre, c'est parce que deux personnes. S'il y a un médiateur, c'est parce que deux personnes. Et s'il y a un médiateur, il y a des anges, puis il y a Moïse, mettons, qui a servi de médiateur entre Dieu et le peuple. Dieu dit, si vous faites ça, je vais vous donner ça. Si vous ne faites pas ça, je vais vous donner ça. Et là, ils ont dit, nous allons faire ce que tu dis. Ils ont dit ça à quelques reprises, ça m'a joué aux yeux, vous ne serez pas capable de faire, oui, on va faire ce que tu dis. Ils n'ont pas fait. Donc l'alliance a été brisée. Parce qu'une alliance, c'est un engagement de deux côtés. Donc, il dit, la promesse était une grâce de Dieu. La loi, c'est une alliance. La loi, c'est une alliance. Dieu a fait une entente avec le peuple. Fais ça, je vais faire ça. Si vous faites ce que je vous dis, vous ne serez pas punis, vous n'aurez pas les maladies, vous n'aurez pas ci, vos ennemis ne vont pas vous vaincre, papa. Mais si vous ne faites pas ce que je vous dis, puis vous allez dans l'idolâtrie, je vais vous avoir un esclavage, j'allais mourir, vous allez être malade, finalement, je vais vous rejeter. Donc, il y avait une entente, là. Et la loi, c'est ça qu'elle fait, hein. La loi, c'est arrête au stop. C'est correct. T'arrêtes pas, stop, je te mets une amende. Il y a une conséquence. La loi, c'est comme ça. Ici, l'arbitre, c'est quoi, dans notre loi, nous autres? C'est la police. OK? La police est là pour faire gérer ça, cette affaire-là. Donc, la loi, elle, n'est pas comme la promesse. C'est ça qu'il dit ici. Regardez le verset 20, là. Il dit, ah, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul. C'est-à-dire d'une seule personne. Il y a deux personnes. Mais Dieu est un seul par rapport à Abraham. Dieu est tout seul par rapport à Abraham. Dieu s'est engagé tout seul. Il n'y avait pas de médiateur là, à ce moment-là. Donc, ça fait toute la différence. Une, c'est une entente, un contrat. L'autre, c'est une grâce. Juste une personne qui s'est engagée sans aucune condition. Je fais une promesse, je vais te donner ça. Oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je n'ai pas rien demandé. J'ai fait une promesse, je vais te donner ça. Vous l'argument de Paul, ça s'en vient, là. L'argument, c'est d'entrer se bâtir avec ça. Donc, il dit, le gardien, il était là juste pour un temps. Il avait un rôle bien précis au verset 23 et 24. C'est de nous garder en prison. De nous garder en prison. De veiller sur nous, d'être surveillé, l'être humain, pour pas qu'il jouisse de la promesse sans l'intervention de la descendante qui était Jésus-Christ. Donc, c'était là son rôle. Le rôle, c'est de nous garder emprisonnés dans la mort. C'est ça que c'était son rôle. C'était pas de nous libérer de la mort. Mais non. Plus il y en avait, plus on mourait. Et si Dieu nous donnait un autre million d'années, on serait un autre million de fois plus de raison de mourir. Donc, il dit, Paul, il dit, pourquoi vous voudrez retourner à ça? La loi n'a pas été donnée pour vous libérer, n'a pas été donnée pour vous sauver. La loi a été donnée pour vous garder en prison. Jusqu'à temps que vienne le libérateur, le sauveur, la descendance qui était Christ pour nous libérer. Ensuite, le verset 26 à 29, on va les lire, si vous voulez bien, ces quelques versets-là. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus de Christ. Il n'y a ni plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Or, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier de la promesse. Donc, il dit, là j'ai marqué les héritiers du Testament. Alors, on a vu le Testament qui était Dieu, puis on a vu le gardien du Testament. Maintenant, c'est les héritiers du Testament. C'est ceux qui sont fils. Hein, on sait très bien, généralement, le Testament est fait, à moins qu'il y ait de la chicane dans la maison, on nomme pas le voisin comme héritier, on nomme nos enfants comme héritier. Ou notre épouse, ou notre mari comme héritier. Mais ici, il dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans Christ ou en Christ. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous qui avez revêtu Christ, c'est des trois synonymes, vous avez la foi, vous avez été baptisés, vous avez été revêtus. Si tu étais attaché à Christ, tu es un héritier, parce que Christ fait partie de la descendance. Lui aussi fait partie de cette descendance-là. Donc, lui vient pour que la promesse s'accomplisse. Tout ce qu'on voit dans Corinthiens, toutes les promesses de Dieu trouvent leur amen en Jésus. Il dit, si vous êtes attaché à Christ, si vous avez la foi en Christ, Abraham a reçu le don de la grâce à cause de sa foi. Et vous autres, vous allez recevoir le don de la grâce à cause de votre foi aussi, dans Jésus-Christ. Donc, il est en train de ramener tout cela à dire, « Hey, vous n'avez pas compris le sens de la loi. » C'est pour ça que Jésus, quand il va venir, « Vous n'avez pas compris la loi. Vous avez mal compris les Écritures. Vous n'avez pas compris les Écritures comme il faut. » Ce n'était pas ça le but de la loi. Pas ça le but de la loi. Et nous autres, qui est catholiques, on a été élevés avec cette foutue pensée que la loi nous sauverait. Mm-hmm. Que si on réussissait à obéir, la loi nous sauverait. Puis si on ne le faisait pas trop pire, pas si mal, on allait au purgatoire une secousse, mais si on l'avait fait bien trop mauvais, on allait en enfer. Donc c'est vraiment, pour nous autres, quand on devient chrétien, c'est très difficile pour nous de se libérer de cette pensée-là. Comme c'était dur pour les Juifs de se libérer de cette pensée-là. La loi était bonne. Oui, t'es bon. Un gardien, c'est bon. C'est une bonne affaire, un gardien. Bonne affaire. Et on va voir la semaine prochaine, il va dire au verset 1, aussi longtemps que l'héritier est un enfant. On va voir ça au verset 1 la semaine prochaine, 4-1. Il va revenir à ça. Pourquoi est-ce que l'enfant ne pouvait pas hériter tout de suite? Donc, il dit, vous qui êtes fils de Dieu, vous êtes descendant d'Abraham, et vous avez hérité de la promesse si vous avez la foi en Christ. Vous avez la foi en Christ. Si vous êtes baptisé en Christ, si vous avez revêtu le Christ, vous avez droit à la même promesse. Et cette promesse, c'est le don de sa grâce. Et la grâce dit, je te bénirai. Je vais te faire du bien. C'est ça. Dieu dit, je vais te faire du bien. J'ai fait un petit dessin que je vais vous montrer pour peut-être résumer cette pensée-là. Parce que je crois que c'est important qu'on la comprenne bien. Oups, excusez. Vous voyez ici, Dieu, avec une flèche vers Abraham, ok? Dieu, Abraham, fait une promesse à Abraham. La promesse, c'est descendance, un pays, puis une bénédiction de toutes les nations. Dieu s'est engagé. Je. Et ici, vous avez Dieu, avec un médiateur, qui a donné la loi au peuple. Et la loi, elle avait le rôle de manifester le péché, faire voir le péché qui était dans l'être humain, et d'être un gardien, un surveillant. Mais les deux pointent vers Jésus-Christ. La promesse vers Jésus-Christ, la loi vers Jésus-Christ. C'est pas les deux, c'est les deux ont le rôle de m'amener à Jésus-Christ. Mm-hmm. OK? La promesse a été faite à la descendance. La loi me garde pour que j'aie la promesse qui est dans la descendance aussi. Donc, la loi n'est pas pour que j'aie la promesse. Elle n'est pas là pour ça. La loi est là pour me garder pour que je puisse avoir la promesse. Regardez, pas dans le sens que me garder en attendant que j'aie mon cadeau, c'est me garder dans le besoin, dans ce sentiment de besoin-là. Plus je goûte la prison, plus je goûte la mort, plus je goûte la séparation de Dieu, plus je vais vouloir. Hein, la personne qui est dans le désert, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut sortir de là pour boire. Si je te garde pendant 40 ans dans le désert, quand tu arrives à la terre promise, si tu traverses le fleuve du Jourdain, tu es bien bonne humeur. Bien bonne humeur. C'est pas que cette situation-là difficile de la loi avait un but. Et quand on la comprend pas, mon ami, ça devient difficile. Et le chrétien qui se met des règles ici pour obtenir la grâce, là vient tes histoires de récompense, ça peut se rejoindre là. Okay? Si tu crois qu'à force d'obéir à la loi ici, tu vas avoir une récompense, tu n'es plus sur la promesse. La promesse dit, c'est par la foi, seul. Donc, je vais être héritier ou enfant d'Abraham, ou fils d'Abraham, ou co-héritier avec Abraham, ou je vais être... parce qu'il va dire, c'est pas tous les Juifs qui sont enfants d'Abraham, c'est tous ceux qui ont la foi qui sont enfants d'Abraham. Si je rajoute ça pour recevoir le don de la grâce, je dis, oups, la grâce ne s'obtient pas par la grâce seulement, ou l'héritage, le ciel, la récompense, ne s'obtient pas seulement par la promesse, mais si je suis obéissant, la loi peut te donner pour ça. Si c'est pour avoir une récompense par ton obéissance à la loi, tu vas t'humilier. Tu vas faire juste la seule chose en fait, tu vas faire, c'est t'humilier. Parce que tu pourras le faire. Moi, je dis aux chrétiens, si vous pensez que vous pouvez avoir une récompense par votre bonne vie chrétienne, vous êtes désorgueilleux. Parce que vous êtes désorgueilleux parce que vous ne pouvez pas. La loi n'est pas donnée pour ça. La loi est là pour vous humilier. Tu n'es jamais capable de faire ce que Dieu demande. Et même si tu réussis mieux que moi, tu ne réussis pas comme Dieu veut. Parce que quand tu penses d'avoir réussi, c'est parce que tu te compares avec d'autres. Mais tu ne te compares pas avec Dieu, tu te compares avec moi. Ah, oh, moi, je fais plus que François, ou je fais plus que l'autre. Oui, c'est peut-être vrai. Mais tu le fais-tu comme Dieu veut? Donc, pourquoi ce serait une récompense pour ça? Donc, il faut faire attention avec ces versets qui parlent de récompense. Parce que les récompenses, c'est toujours en fonction de l'obéissance à la loi. Hein, que, tu sais, c'est je fais ci, je fais ça, je fais pas ci, je fais pas ça, je fais pas ci, je vais pas là, je vais pas ci. Donc Dieu va me donner une récompense plus grosse que l'autre. Parce que j'ai obéi à la loi, mieux. Je pense pas. Parce que ça, c'est des bons, je peux dire là-dessus, parce que la marche chrétienne, c'est quoi la marche chrétienne d'obéir à Christ? C'est faire des œuvres pour lui. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est que le problème, c'est que je me dis, pourquoi est-ce que tu penses que tu auras une récompense pour ça? Parce que c'est écrit, il rémunère la foi. Oui, c'est ça. Il rémunère la foi. Mais c'est quoi la rémunération de la foi? C'est la grâce. C'est la grâce, c'est le salut. C'est pas une récompense de plus que le salut. Moi, j'avais dit c'est déjà fait. J'avais dit à un chrétien une fois, qu'est-ce que tu peux espérer de plus que la vie éternelle en Jésus-Christ, dans les nouveaux cieux, nouvelle terre. Qu'est-ce que tu peux espérer de plus? Je lui dis, bien franchement, Dieu peut te donner tout le reste, je m'en fous. Moi, je n'ai assez ce que j'ai. Je n'ai assez ce que j'ai. Si je suis dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, dans la présence de Dieu, avec Jésus-Christ, j'en ai assez. En fait, à cause de ça, pas pour avoir... Parce que des certains textes, comme il parle de récompense, il y a à peu près 7-8 textes qui parlent de récompense dans la Bible. Et quand je les prends hors texte, hors contexte, hein, tu dis vraiment qu'est-ce que Paul est en train de dire. Parce qu'il y a plusieurs places qui parlent de récompense. Ouais. Et c'est pas évident tout cela. Okay? Donc, il faut se dire, mais de quoi il parle là? Est-ce que ça s'adresse à des chrétiens? Est-ce que ça s'adresse à des chrétiens qui fonctionnent bien ou des chrétiens qui ne fonctionnent pas bien? De quoi il parle là? Comme la plus... Il y a juste un verset avec lequel j'ai de la misère par rapport aux récompenses, que je suis déjà à clarifier. C'est 1 Corinthiens 3, quand on a posté dans 1 Corinthiens, je l'ai expliqué. Où ce qu'il dit, il va être sauvé, comme à travers le feu, il perdra sa récompense, mais il sera sauvé. Okay? Donc, le texte dit, mais quoi il parle là? De quoi il parle là? De quoi il parle? La chose est certaine, qu'il ne dit pas, il ne parle pas de ça à des mauvais chrétiens. Okay? Parce qu'il parle des dirigeants qui étaient très impliqués dans l'Église, qui fonctionnaient dans l'Église. Il ne parle pas aux chrétiens qui sont au bordel, en train de boire. Il parle des chrétiens comme Apollos, Cephas. Il dit, attention, de la façon que vous allez bâtir l'œuvre de Dieu. Il parle aux dirigeants des églises, dans ce contexte-là. Moi, je suis de Paul, moi, je suis Cephas, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Il dit, attention, comment vous allez bâtir. Moi, j'ai posé le fondement, comme un salut architecte. Le fondement, c'était Jésus-Christ dans l'Évangile. Il dit, attention, comment vous allez bâtir dessus maintenant. Et là, c'était pas la moralité, c'était la doctrine. Parce que maintenant, il dit, faites attention comment vous allez bosser dessus. Donc, nous, il ne faut certainement pas l'appliquer à des chrétiens maintenant qui fonctionnent plus ou moins que les autres. Ou des chrétiens plus obéissants ou moins obéissants à certains règlements de Dieu. C'est pour ça qu'il parle dans le contexte. Il n'est pas en train de dire que Paul, c'est fausse, Apollos, il ne vivait pas correct. Il dit, attention comment vous allez bâtir sur le fondement que j'ai mis, qui était Jésus-Christ. L'Évangile. Qu'est-ce que vous allez dire? Attention comment vous allez enseigner là-dedans. Là. OK? Donc, il n'est pas en train de dire, attention, comment vous allez vivre chez vous le samedi soir. Ça? C'est pas ça qu'il est en train de parler. Donc, si on veut appliquer cette récompense-là, on dit, mais de quoi il parle? Puis, il y a un principe biblique d'hermeneutique qui dit, il faut toujours expliquer les passages moins clairs par les passages clairs. Ça, c'est un ténébreux un petit peu. Fait qu'il ne faut pas en tirer une trop grosse doctrine. Est-ce que le restant de la Bible clairement enseigne des récompenses pour les chrétiens qui fonctionne plus? Non, la Bible n'enseigne pas ça dans l'ensemble. Donc, ce texte-là ne veut pas dire ce qu'on pense. Il ne okay? faut pas dire ça parce que les ensembles du verset ne parlent pas de ça. L'ensemble de la Bible ne parle pas de ça. Tous les autres versets qui parlent de récompense ne s'adressent pas à des bons chrétiens ou des mauvais chrétiens, mais à des chrétiens ou donc pas des chrétiens. Un ou deux. Chrétiens ou non chrétiens. Mais pas bons ou mauvais chrétiens. Mais à chrétiens ou non chrétiens. Dans Hébreu, il parle. Le rémunérateur, c'est que Dieu rémunère ceux qui ont la foi, pas ceux qui sont obéissants. À la foi d'Abraham, la foi d'Abel, la foi de Moïse, la foi. C'est le chapitre de la foi, c'est pas le chapitre des œuvres, c'est le chapitre de la foi. Mais à cause de leur foi, ils ont persévéré, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. À cause de leur foi, ils ont fait ça. Donc, ils ne sont pas récompensés à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause qu'ils avaient la foi, qui les a amenés à faire des affaires. Mais c'est la foi qui est rémunérée. Le rémunérateur de la foi, et non pas le rémunérateur de ma bonne vie chrétienne. OK? Oui? J'ai quelque chose sur le... Est-ce que j'ai compris, Monica? Est-ce que tu as dit que la loi est là à cause du péché? Je n'ai pas d'accord avec ça. Non? Non! Parce que tu as dit avant que Dieu dit dans le jardin. Au début, ils disent « touche pas ». Ça, c'est une loi. Mm-hmm. Pour moi, ils mettent la loi pas à cause du péché, parce que si on dit ça, on dit « ah, oh, quelque chose a changé que Dieu ne pensait pas ». C'est lui qui a le contrôle de tout ça. Quand ils mettent Adam et Ève dans le jardin, ils savent qu'est-ce qui va arriver des milliards d'années après. Mm-hmm. Bon, OK. Ils mettent la loi sur Adam et Ève et ils mettent en prison les deux par la loi. Parce qu'ils savent que le péché est causé par la loi. Pas la loi est là à cause du péché. C'est la loi qui cause le péché. Puis parce qu'ici, quand on parle pour de... La fin de choses, c'est Jésus, Dieu, il veut qu'on ait Jésus. On ait le plaisir de servir Jésus. excuse-moi, je ne sais pas. Mais comment je dis ça? Parce que la fin de tout, c'est le de nous de glorifier Dieu. C'est la fin. Ils ne mettent pas Adam et Ève dans le jardin juste pour mettre dans le jardin. C'est pas pour Adam et Ève. C'est pour la fin de les êtres humains glorifier lui. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, mais ils mettent la loi pour faire parce que le péché, pour faire une autre loi, pour amener la grâce, puis tout le monde va glorifier Dieu après ça. Tout le monde est heureux. Mais sans la première loi, le touche pas ça. Sans ça, il ne veut pas tout le reste. La question que tu lèves, c'est parce que tu vas dans deux directions. Ici, le passage dans 19 dit que la loi est intervenue à cause du péché. Donc, pas causer. La deuxième loi de Moïse. On parle de la loi de Moïse, oui. On parle de la loi de Moïse. Mais la première loi, ça ne touche pas ça. La première loi, oui. Mais ça, là, on parle, c'est pas de cette loi-là qu'on parle. On parle de la loi de Moïse ici. Elle a été donnée pour enfermer les gens sous péché. OK. OK, donc c'est ça qu'on parle. On ne parle pas du paradis, de la terrestre comme tel. Mais c'est une loi avant le péché aussi. C'est oui, une s'il n'y avait pas eu de loi, il n'y aurait pas eu de péché. Oui. Mais la loi qu'on parle ici, c'est la loi de Moïse. OK, oui. Elle a été juste donnée. Juste ça, pas la loi en général. Non, la loi, on parle de la loi ici de Moïse. OK. Donc, la loi de Moïse a été donnée parce à cause de le péché avant. Mais le péché avant a causé par la loi au début, la première loi. Touche pas ça. Non, le péché a... C'est une ligne. Je m'excuse, mais je vois comme ça. C'est une ligne. Je crois que je comprends ce que tu veux dire. C'est que le premier péché était causé parce qu'il y a une loi qui était venue. C'est ça. Donc, le péché a suivi la loi. Et non pas la loi n'est pas venue après le péché. La loi est venue avant le péché. Oui. Ce commandement-là. Mais ici, qu'est-ce qu'on parle? On ne parle pas de la loi que Dieu a dit à donner à Moïse, dans Yves, dans le paradis. On parle de la loi qui était venue par un médiateur, qui était Moïse. On parle de cette loi-là. Qui est venue, elle, qui a été mise par Dieu 430 ans après la promesse. On parle de cette loi-là. Là. On ne parle pas de ce qu'il y avait avant. Okay? Mais s'il n'y avait pas eu de loi, il n'y aurait pas eu de péché. Oui. Maintenant, Dieu a mis une loi, la loi de Moïse, pour garder les gens dans le péché. Oui. Il fait la même chose dans le jardin. Non. La loi dans le jardin n'était pas pour garder les gens dans le péché. Elle était pour les éviter le péché. Dieu ne voulait pas qu'ils pêchent. Il ne voulait pas qu'ils pêchent. Dieu n'a jamais voulu pécher. Il n'a pas mis une loi pour qu'ils pêchent. Je vais dans une autre direction. Mais parce que s'il ne veut pas, s'il ne veut pas qu'il pêche, il ne met pas la loi. Il ne veut pas qu'il pêche. Si tu dis que Dieu veut qu'il pêche, tu fais Dieu le responsable du péché. Non, Dieu ne veut pas le mal. Dieu ne veut pas. Parce que Dieu dit qu'il n'a jamais tenté personne au mal. Fait, tu ne peux pas dire qu'il a mis le péché pour qu'il pêche. Mais on voit ça, c'est comme un mal, mais pour Dieu, c'est... La fin de la route, c'est une très bonne chose, mais sans le péché, sans ça, il ne faut pas qu'il amène Jésus. C'est une... Oui, mais c'est parce que là, tu vois contre certains principes des Écritures qui dit que Dieu n'a pas fait ça. Il dit que Dieu n'a pas fait ça. Dieu n'a jamais tenté personne au mal. Jamais. Il n'a pas mis une loi pour les tenter au mal. Puis en plus, c'est que je trouve que c'était pas, ça n'aurait pas été une bonne idée de Dieu pour que finalement, il en sauve quelques-uns. Parce que si on n'avait pas péché, si Adam et Ève n'avaient pas péché, tout le monde aurait été sauvé. Tout le monde. On aurait glorifié Dieu quand même. Tandis que là, ça va être un petit peu. Parce que la loi, dans le jardin, s'il l'avait observé, ils auraient empêché de pécher. S'il avait fait ce que Dieu avait dit, il aurait empêché de pécher. Il n'aurait pas péché. S'il n'avait pas touché à l'arbre, il n'aurait pas péché. Tout le monde aurait été mais sauvé. Dieu, il ne l'a pas mis là pour les faire tomber dans le péché, mais pour les arrêter de pécher. Mais un coup qu'ils ont tombé dans le péché, Dieu a mis une autre loi pour les garder dans le péché. Oui. La première loi n'était pas pour les mettre dans le péché, pour les mettre en prison. Mais non, c'était pour les éviter qu'elle en prison. Parce que j'ai l'idée que Dieu savait avant tout ce qu'il fait. Oui, ce n'est pas des surprises avec non, non, lui. Non, non, non, non, pas de quand il fait cette loi-là, c'est parce qu'il sait. Qu'est-ce qui arrive après? Ouais, le fait de savoir, hein, faut pas que tu m'aies... C'est ça, c'est mon my premise. C'est pour ça que j'ai devenu athée avec une idée comme la sienne. Là. Je suis devenu athée, moi, comme ça. Dieu savait, donc il est responsable. Donc voilà, moi, je suis devenu athée à cause de ça. Si Dieu savait, bon, si c'est ça qu'il voulait, c'est sa faute. Moi, je suis pas responsable. Ah non, je pense pas comme ça. Ben, ça ramène dans cette direction-là, parce que tu dis, c'est Dieu qui a fait ça pour que je pèse, puis finalement, je le glorifie. C'est lui qui a fait le chemin, c'est pas moi, c'est lui. Mais lui, il dit, j'ai mis une loi, je veux pas que tu pêches. Je veux pas que tu pêches. Ma volonté, c'est que... Mais s'excuse pas de pas admis nos péchés. Dieu dit, c'est pas une excuse pour ça. Quand Dieu met la loi, là, il dit, je ne veux pas que tu pêches. Donc, c'était pas sa volonté qu'il pêche. Je ne veux pas que tu pêches. Mais il sait qu'on est... Mais je suis pas même si je le sais, ça veut pas dire que je veux, moi, ça. Le fait de savoir, ça veut pas dire que je sais ce que je veux. La Bible a dit, c'est clair, Dieu ne veut pas qu'on pêche. Il dit que jamais je vais tenter qu'il se soit à pêcher. Jamais. Adam et Ève étaient parfaits. Ils ont été mis dans... Fait qu'il y avait vraiment un choix. Un être humain comme nous, devant le péché, vu qu'on est imparfait, on va le faire. Ça aurait été inutile pour nous de mettre une loi pour nous empêcher de pêcher si on avait été des pêcheurs. C'est ça. Ça aurait été inutile. Là, ça aurait été comme s'il y avait voulu... inciter à pêcher ou voulu qu'il pêche. Mais là, on ne peut pas dire qu'il voulait qu'il pêche parce qu'il y avait vraiment le choix de dire oui ou non. Parce que là, on parle comme des pêcheurs. Oui. Puis les autres n'étaient pas des pêcheurs. Non, c'est ça. Donc, on est dans un contexte très différent. C'est pour nous autres difficile à comprendre. Quand Dieu a dit « Tu ne mangeras pas de l'âme », nous, on a dû à comprendre comment ça qu'elle demandait ça parce que pourquoi qu'il aurait dû pas le mettre comme ça, on aurait été correct. On aura continué à glorifier pour l'éternité dans le paradis. Comme on va faire à la fin des temps, en fond. Mais le but, c'est que je ne veux pas que tu pêches et je ne veux pas que tu manges de l'âme. Je ne veux pas. C'est ma volonté, je ne veux pas. Donc, il dit, et le but pour nous autres, c'est qu'il faut trouver une autre raison en arrière de ça. Il faut trouver une autre raison en arrière de ça parce que ça, pour nous autres, ça ne fait pas de sens dans notre tête. Ça fait pas de temps. Ce qu'on essaie d'expliquer, là, c'est les deux, encore une fois, la volonté souveraine de Dieu et la volonté souveraine de l'homme. L'homme a un choix 100%, puis Dieu a fait un choix 100%. Puis on ne sera jamais capable d'expliquer les deux. Et beaucoup de gens prennent la préscience, vont dans une direction, d'autres vont prendre la souveraineté, vont aller dans une autre direction. Okay? Dieu veut. Dieu voulait que. Donc, non, Dieu savait que. Oui, pas qu'il voulait, c'est parce qu'il savait tout, il est emmené tout. Mais moi, la question que je te posais, c'est pour s'il savait pourquoi il l'a fait. Parce que sans la loi, il n'est pas le péché. Sans le péché, il n'est pas nécessaire d'envoyer Jésus. C'est tout dans le plan de Dieu. Tout ça, c'est dans son plan. Oui. Mais sans ça, il va voir les personnes dans le jardin qui glorifient Dieu parce qu'il... Mais c'est pas toute la... He doesn't know anything better. Il ne sait pas d'autres choses. C'est juste... Non, c'est pas la bonne volonté. C'est pas le... Non, parce que là, tu es en train de dire que le paradis... Avec la bonne volonté. Tu es en train de dire que le paradis que Dieu avait fait était plus ou moins bon. Il y avait quelque chose de meilleur à faire. Là, Dieu a dit, j'ai fait le paradis. Et tout était bon. Bon, parfait. Donc pour son cause... Finalement. Ouais. Toi, tu parles de ça. Tout est bon que Dieu a fait. Tout est bon, mais il n'a pas fait le péché. Il n'a pas fait le péché. Puis c'est parce que le but qui arrive maintenant est moins bon que ce qui aurait été si Adam et Ève n'auraient pas péché. Mais il donne la volonté, il donne le free will. Free will? Il donne ça, c'est un cadeau, mais sans la loi, on n'a pas ça. Mais la question qui nous donne une loi... C'est un free will, c'est pas un péché, ça n'a pas rapport avec le péché. Non. C'est la grâce, le free will qui donne bon, mais c'est si un nous cadeau. Donne, si de nous donne nous. Une grâce, si nous donne. Il ne veut pas qu'on pêche, mais il donne le choix. Bon, ben si. C'est... Ça, c'est l'amour. Ben, c'est pas ça que tu as dit tout à l'heure. Là. Tout à l'heure, tu as donné un commandement pour nous en mettre en prison. Non, je ne dis pas ça. Ben, c'est ça que tu as dit. Il fait ça, mais il savait qu'est-ce que Adam et Ève vont faire avec ça? Il sait, quand il donne les lois à Moïse, les commandements, il sait qu'est-ce que le race humain va faire avec. Ils savent tout. Qu'est-ce qu'il va faire. C'est tout ça, c'est certain que ça. C'est ça. Ça, on est d'accord. Mais dans ça. Son plan, la loi vient avant le péché, la première loi. Mais c'est la loi, le péché, puis la deuxième loi de Moïse. C'est parce que là, tu fais une déduction humaine et non pas une déduction divine. OK. OK? La déduction divine, c'est que la Bible ne dit jamais que Dieu a fait ça pour ça. Okay? La Bible, elle ne dit pas que Dieu a fait ça. Je vais mettre une loi pour que le péché vienne. Il n'a pas dit ça. OK? Mm. Donc, toi, tu fais cette déduction-là parce que tu es du côté ici du péché. Oui. Dieu n'a pas dit ça parce que. Si tu vas trop loin dans cette déduction-là, Dieu va donner le responsable du péché. Parce que la Bible est claire, Dieu n'est pas responsable. Ah, comme Mark Twain, il a dit, c'est la faute à Dieu parce qu'il donne le... C'est ça. Il y a beaucoup mais de... Comme beaucoup de mais je ne pense pas comme ça. Mais c'est parce que c'est la faute parce que toi, tu parles... là, comme, parce que beaucoup d'inconvertis blâment Dieu à cause de ça. Pas. Parce non, que Dieu savait. Ça, c'est pas mon... Il faut qu'on accepte que même si ça semblait le mal pour nous, comme pécheurs, comme tu dis, c'est correct. Parce que Dieu fait tout est bon. Même si on pense que ce n'est pas bon, c'était bon. Parce que Dieu a fait. C'est moi, lui qui est suprême, c'est lui qui... Donc, si je ne blâme pas Dieu qu'il fait du mal. Non. Non, mais si tu dis que ça. Si tout était bon, tout était correct, il n'a pas donné la loi pour le péché. Il ne faut pas que tu l'appelles péché. Bon, appelle pas ça péché. Si c'était bon, c'est pas péché. Mais donner ça pour son plan. Ah, son si plan est là. Appelle-le comme tu voudras, mais appelle pas ça péché. Parce que le péché, c'est mal, c'est pas bon. Si ce n'est pas nécessaire d'envoyer Jésus, c'est juste, je peux juste imaginer. C'est pour nous autres, c'est difficile. Pour nous autres, c'est impossible de voir que Dieu a planifié des choses avant que les autres choses arrivent. Okay, il a décidé. Avant que le péché soit commis, il avait déjà décidé que Jésus viendrait. Oui. Donc, pour nous autres, c'est dur de comprendre ça parce que nous, on n'agit pas comme ça. On n'agit pas comme ça. Mais ça, c'est j'ai dit. Okay, j'ai je comprends dit ça. Que... Oui. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que les termes que tu emploies. Ça va dans une autre direction. Okay. Donc, tu parles comme étant que Dieu a fait ça pour que le péché arrive. Tu ne peux pas dire ça. La Bible ne dit pas ça. C'est parce Donc, sinon, c'est, on ne se repentirait pas. Parce que le péché, c'est contraire à la pensée de Dieu. Le péché, c'est aller contre la pensée de Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que Dieu a fait ça pour le péché parce qu'il a été contre sa propre idée. Exactement, pensée. Mais pour son plan final, ah, si tu dis ça, il faut que ça t'arrive comme ça. Et moi, je dirais, il faut, pour le plan final, il faudrait que Dieu donne un choix à l'homme. Je dirais c'est pas ça. Le choix de péché. Je dirais pas ça. OK. Mais sans choix... le bon et le mal, on n'a pas le choix, la connaissance de le bon et le mal. Et nous, on ça donne un choix. Parce qu'il nous dit qu'en mangeant de l'arbre, on était pour avoir la connaissance du bien et du mal. On ne l'avait pas avant. Non. Donc, c'est elle-t-il à expliquer comment pourras-tu faire un choix si on n'avait pas la connaissance du bien et du mal? Comment... Là, beaucoup de questions vont venir. Comment est-ce qu'il va savoir c'était quoi la mort quand il ne l'avait jamais vu? Comment va-t-il savoir? Il y avait pas quatre choses qu'on a demandé à s'imaginer. Est-ce que de fait la guerre contre Dieu, c'est un péché? La guerre contre Dieu? La guerre contre Dieu. Ben, c'est un péché. Ben, si oui, je crois c'est que puni oui, par l'éternel, l'éternité sans Dieu. Ça, c'est le diable a fait avant nous. Dans le ciel, il a fait la guerre contre Dieu. Il fait un péché. La Bible ne dit pas ça qu'il a fait la guerre. Non. Elle ne dit pas ça comme ça, non? Mais il rebelle contre Dieu. Oui, ça c'est sûr. Il a ça péché. C'est une guerre. Il rebelle. C'est un péché. Oui, il a fait un péché. Oui. Le péché vient. Donc, quelle loi qui était là de bord? Alors, c'est ça. J'ai pensé à ça juste maintenant. Mais plus le péché tu... est là avant la première loi. On essaie d'expliquer, là, dans le fond, on essaie d'expliquer d'où vient le mal. Puis le mal était là avant que l'homme... Oui. Mais là, il y en a qui ne sont pas sûrs de ça. Là, il vient l'argument, as-tu péché après? As-tu péché avant? The chicken or the egg? Le poulet ou le... La chose qu'on sait, c'est que quand Adam et Ève ont péché, Satan était là pour les aider à pécher. Oui. Moi, j'ai toujours posé la question, d'où est-ce qu'il vient ce que tu fais, ce cas-là? Dans le deuxième chapitre de la Bible, on ne le voit pas avant. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait là dans le paradis, lui-là? Hein? La question qu'on me posait, je suis devenu athée avec ces raisonnements-là. Qu'est-ce qu'il fait là dans le paradis, le foutu diable? Pas d'affaire là, lui. Donc, je comprenais pas qu'est-ce qu'il faisait là. Pourquoi Dieu ne l'a pas empêché de rentrer? Tu sais, c'est pourquoi qu'il laisse venir tenter? Puis là, c'est tout un paquet de questions qui ne sont pas évidentes à expliquer. Mmh. Puis là, un être créé, qu'est-ce que Dieu avait donné comme loi? Puis là, on a dit, mange pas de l'âne. Mais qu'est-ce qu'il avait dit à Satan? Montre-moi pas sur la tête. Il n'y avait pas d'arbre dans le paradis, là, tu sais, dans le sens que dans le paradis, avant qu'il soit créé, le monde. Qu'est-ce qu'il a dit à Satan pour qu'il pêche? Quel choix il avait donné? On ne sait pas. Mais son péché, c'était de vouloir être supérieur à Dieu. Est-ce que Dieu l'avait empêché? Est-ce que Dieu avait dit, non, tu ne peux pas essayer de devenir aussi bon que moi? Est-ce qu'il avait mis une loi? On ne sait pas. On n'a aucune idée. Le bon et le mal, c'est déjà créé. Mais est-ce que le mal a été créé? C'était créé, puis créé par qui? Parce que créé, ça veut dire créé à partir de rien. Créé, ça veut dire à partir de rien, puis là, à partir de rien, ça veut dire qu'Adam. Le mal était là avant Satan. Le créateur, c'était Dieu. Puis là, on a. Wa. Puis plus on pense à ça, plus on devient avec des questions qui sont très légitimes, mais qui n'ont pas beaucoup de réponses. Mm-hmm. Moi, le premier verset de la Bible a une multitude de questions, puis il n'y a pas de réponse. Non. Mais si on est convaincu que Dieu sait qu'est-ce qu'il fait, he knows what he's doing. Oh. Mais avant ça, il faut croire que Dieu était là, que Dieu existe, puis que Dieu est correct. Mais la Bible a commencé, et Dieu comment? Et Dieu était là. Mais il ne nous explique pas ce qu'il vient, ce qu'il fait, il est là. Puis beaucoup d'hommes, de femmes, deviennent athées à partir du verset 1, chapitre 1, Genèse. Dieu ne peut pas être toujours là, donc c'est pas vrai. Bien. Le raisonnement logique humain, c'est ça. C'est dans le raisonnement humain, toute chose a un commencement. Donc, quelque chose qui n'a pas eu de commencement, pour nous, c'est logique. Mais dans l'autre sens, les choses que tu dis, on peut dire, OK, Dieu a donné ça, puis il ne veut pas qu'on pêche, mais on pêche anyway, mais il ne veut pas, mais à cause de ça, il donne une autre loi à Moïse. Pour, ouais. Mais ça veut dire qu'il ne sait pas le futur. Oui, ça va. Mais. Parce que la loi peut être donnée pour qu'on ne pêche pas. Ça, c'est un danger sur l'autre côté aussi, de voir trop loin de l'autre côté, qu'il y a des surprises pour Dieu, puis non, il donne ça. Il n'y a pas de surprise pour Dieu. Pas de surprise pour Dieu. Non, je sais. Mais si la loi. Mais c'est un danger de. Mais la loi de Moïse a été donnée pour nous empêcher de pécher. C'est pour nous garder dans le péché, parce qu'on était déjà dedans. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas dit qu'il nous avait donné la loi pour empêcher de pécher, là. Okay. Pour qu'on pêche. La loi était donnée par Moïse. Pour nous garder. C'est un gardien, ça. Okay. Donc, on était déjà dans le péché, à cause de d'ailleurs. Donc, on était déjà dedans. Dieu dit, monnaie, je vais donner une prison pour vous garder là, en attendant que Jésus vienne et que vous ayez joué la promesse que j'ai faite à Abraham. Donc, la loi, là, elle a un côté très positif. Oui. C'est nous garder. Oui. Parce que sans cette loi-là, on n'aurait jamais joué de Jésus-Christ. Okay, parce qu'on aurait été dans un autre sens. On n'aurait pas été humilié, on n'aurait pas vu notre état d'être. Et les lois, c'est très bon la loi, très bon, quand on y donne son bon rôle à jouer. Souvent, quand on met des règles ou des lois, c'est qu'on pense qu'on va changer de comportement avec ça, qu'on va empêcher les gens d'être mauvais avec ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça fait pas ça. C'est pas pour ça que Dieu l'a donné. Donc, mais c'est pas, là, on ne parle pas de ce qu'il a fait avec Adam et Ève, parce que ce n'est pas été donné à un pécheur, cette loi-là. C'était donné à des gens parfaits. Donc, il ne faut pas mélanger les deux, là. OK? Il faut mélanger les deux. Parce qu'un était donné à des gens non pécheurs, l'autre était donné à des gens pécheurs. Pécheurs. Bien différents. Donc, Dieu, il ne peut pas dire, je vais vous faire pécher. Non, il était déjà pécheur. Il ne faut pas vous faire pécher. Il ne faut pas les arrêter de pécher non plus. Mais je vais vous garder dedans. Je vais vous humilier. Parce que, tu sais, c'est-tu dans cette texte qu'on a lu, il me semble, que oui, hein? On a lu que Dieu a renfermé tout le monde dans le péché. Dieu nous a renfermé pour qu'on puisse jouer de la grâce. Le but de la loi, c'était de nous enfermer, nous mettre en prison, pour qu'on puisse jouer de la grâce. Donc, son but était très bon avec la loi. L'homme l'a mal utilisé. Il a pris cette loi-là plutôt pour gagner des crédits auprès de Dieu. Mm-hmm. Et Dieu a dit, ben non, c'est pas pour ça que je l'ai donné. Donc, automatiquement, cette loi-là aura un autre rôle que ce qui avait été donné à Adam et Ève. Parce qu'on a deux situations bien différentes. Homme parfait, paradis, Dieu parle à cet homme-là. L'autre, c'est des pécheurs, tout de suite pécheurs, Et Dieu ne peut pas les empêcher de pécher. Dieu ne peut pas les empêcher de marcher croche. Il ne peut pas rien faire. Il ne peut pas lui dire de ne pas pécher, mais il ne peut pas lui dire de pécher. Il leur dira certainement pas pécher. Il ne veut pas qu'il pêche. Donc, il dit non. Mais je vais vous donner des lois qui vont vous garder, vont vous mettre dans une situation pour que vous sentiez le besoin. Un peu comme un médecin fait. Le médecin veut nous soigner pour que nous soignions et va nous montrer la maladie qu'on a. Il va faire ressortir la maladie qu'on a. Il va montrer tous les côtés néfastes. Puis si on ne fait pas quelque chose, on va mourir, on va devenir malade, on va essayer, finalement, tu vas mourir. Fait que là, oh oui, je vais prendre le médicament. Okay? Le médecin doit nous aider à voir qu'on a besoin du médicament qu'il nous donne pour qu'on soit soigné. Il n'a peut-être pas raison, peut-être qu'il se trompe, mais il va avec la connaissance qu'il a. Et Dieu fait la même chose ici. Il met l'homme, il dit, je vais vous montrer, je vais vous convaincre que vous avez besoin d'un médecin, d'un sauveur. Donc, il fait un très bon but. Un très bon but. Donc, c'est vraiment pour moi, Paul ici donne un argument très fort en faveur de la promesse au détriment de la loi. Il dit, vous n'avez pas besoin de la loi parce que la grâce s'obtient par la promesse. Donc, c'est le but ici du texte. C'est le but du texte, ça va être là. N'essayez pas de retourner à la loi, parce que la loi n'a pas été donnée pour ça. La loi avait été donnée pour vous emmener à Christ, et non pas pour que vous le preniez après pour vous justifier. Ce n'était pas le but. Ça n'a jamais été son but, d'abord. Donc, automatiquement, l'application qu'on doit faire dans nos vies, c'est que moi, en tant qu'enfant de Dieu, qui était libéré de la loi, du gardien de la loi, moi, automatiquement, je suis en dehors de la loi maintenant. Je suis en dehors. Je suis, moi, avec Christ. Et je jouis de la promesse en tant qu'enfant d'Abraham, en tant que fils de Dieu, faisant part, en tant à ma foi en Jésus-Christ, je jouis de la promesse qui est de la grâce, de la bénédiction de Dieu. La loi ne peut pas changer ça. Elle ne peut pas changer le testament. Elle ne peut pas changer mon testament. Elle ne peut pas changer ça. La loi, elle ne peut pas changer la promesse qui a été faite. C'est-à-dire enlever le salut. Enlever le salut, elle ne peut pas faire c'est-à-dire ça. C'est-à-dire, si on ne fait pas... Elle ne peut pas me l'enlever. Elle ne peut pas me le donner, elle ne peut pas me l'enlever. Elle ne peut pas l'améliorer parce que ça ne vient pas de elle. Ce n'était pas son rôle à jouer. Okay? Donc, son rôle, c'était juste de me garder en attendant que l'autre personne vienne, qui était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, vient, puis rend disponible, possible, la promesse faite à Abraham, automatiquement. Donc, là, maintenant, je jouis de la promesse, je suis un enfant d'Abraham, je jouis de la promesse, qui est la grâce, la bénédiction de Dieu. Donc, la loi ne peut plus rien faire pour moi, ni me l'enlever, ni me la donner, elle ne peut pas l'amoindrir, l'augmenter. C'est parce que ça venait pas d'elle, ce n'était pas son rôle d'affaire. Donc c'est, mais toutes les religions du monde, en grande partie, ont pris la loi pour pouvoir avoir le ciel, au détriment de la promesse. Parce que dans le fond, tu as juste deux choix, la loi ou la promesse. Les religions du monde, d'après moi, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la promesse. Non, mais les Juifs la connaissaient, la promesse, puis ils ne l'ont pas pris pareil. Là. C'est pas parce que tu ne la connais pas. Les Juifs ont été privilégiés de voir, de t'entendre. C'était dans leur vie de tous les jours, à travers le temple, à travers les lois, à travers les livres qu'il y avait, à travers leur culture, leur spirituel. Et pourtant, le péché, Dieu dit, t'es un aveugle, tu ne peux pas voir. C'est pour ça qu'on dit que c'est une grâce. C'est pas, même si tu annoncerais la promesse à la terre entière, juste un peu, pour accepter pareil. Ce n'est pas la quantité de prédication qui va faire plus d'élus ou plus de sauveurs. Mais la prédication est faite pour que les élus l'entendent et soient sauvés. Donc, il ne faut pas mettre la chourlure avant les bûches, on pourrait dire, parce que sans ça, on se met un sentiment de culpabilité pour rien. Ça ne m'enlève pas de proclamer la loi, l'Évangile à tout le monde. Je sais très bien que c'est un petit peu, peu importe le nombre que je vais faire, c'est un petit peu pareil qu'il va accepter l'Évangile. Parce que même ceux qui ont été élevés avec Abraham, dans le temps d'Abraham, avec la loi. Et là, Dieu a expliqué la loi, puis là, c'était frais, c'était tout nouveau, par Moïse, il a tout expliqué ça. Ils ont pris ça, et on sait se justifier avec ça. Parce que c'est ça le péché. Le péché, c'est cette maladie infernale qui nous fait faire ça. Mais il avait expliqué à Moïse que c'était, je vous donne la loi pour vous montrer que vous êtes pécheurs. Je suis convaincu. Pas pour vous dire, vous devez faire ça. Parce que quand la loi a été donnée là, dans Deutéronome, il dit, voici, je mets devant vous la vie ou la mort. Choisissez. Mais là, la réaction du pécheur qui est là, qui se voit pécheur, je ne suis pas capable, Seigneur, je ne suis jamais capable. C'est ça qu'il y a qui voulait que ça dise. Oui, ah oui, je vais t'envoyer un sauveur, t'es enflé ça. Jésus, en faisant le sermon sur la montagne, fait la même affaire. Il prêche le sermon sur la montagne, Là, il dit, je vous dis ça, pas pour que vous mettez ça en pratique, pour que vous criez à moi, frappez à la porte, cognez à la porte, je vais vous donner la grâce. Je suis pas capable, Seigneur, de faire ce que tu me dis là. Pas capable. Même ça, c'est pas clair comme ça, hein? C'est pas... Moi, je crois que c'est clair, hein, matin. Ouais. Moi, j'ai rejeté la religion catholique quand j'avais 15 ans. J'étais allé voir le prêtre à l'école, j'ai dit, si on est sauvé, comme vous le dites, on ne sera jamais sauvé, ni vous, ni moi. Donc, j'étais juste 15 ans, je n'étais pas chrétien, là. Parce que tu réalisais que tu venais pas. Moi, j'étais un jeune homme, un jeune adolescent qui voulait faire le bien autant qu'on pouvait, parce que c'était comme ça qu'on avait été élevé. Puis là, je m'en allais au pensionnat avec l'intention de prendre la vocation de religieux pour faire le bien. Et t'arrives là, puis t'essayes pendant un an, mon gars, là, t'es coupé du monde un peu, t'essayes de faire du mieux que tu peux, tu vas à l'église le matin, tu vas à l'église le soir, tu pries, tu fais des chapelets, des rosaires, tu fais tout. Et puis tu vois bien que t'es pas capable de faire plus. Et puis là, tu vois les gars à côté de toi, puis ils sont encore aussi pires que toi. Là, ben, les plus vieux sont encore aussi pires que nous autres. Ah ben, là, tu dis, ben, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, s'ils ne font pas les autres mêmes. C'est pas moi qui ai réalisé ça, c'est Dieu qui m'a fait réaliser ça. Pour moi, là, c'était le début de mon salut qui commençait tranquillement. C'était 12 ans plus tard que j'ai accompli la grâce. Mais Dieu, il m'a dit, tu ne peux pas être sauvé en pratiquant une religion. Tu ne peux pas être sauvé. Je ne suis pas capable de le faire. Puis je disais ça au prêtre. Là, je dis, monsieur le curé, si c'est ça qu'il faut faire, je ne suis pas capable. Il disait-tu, lui, le curé, qu'il faisait tout? Non, on fait notre possible. On fait notre possible. On essaie de faire le mieux. C'est sûr qu'il avait sa porte de l'échappatoire du purgatoire, lui. C'est sûr qu'il avait besoin de ça. Moi, je n'avais pas toutes les réponses. Je disais, mais si c'est ça que ça prend pour être sauvé, vous ne le serez pas, M. le curé, puis moi non plus. Parce que vous ne le faites pas, puis je ne le fais pas. On essaye. Mais essayer, ça veut dire qu'on ne le fait pas. Tant que j'essaie, c'est parce que je ne le fais pas. Hein? Si j'essaie de sauter par-dessus la barre, tant que j'essaie, c'est parce que je n'ai pas encore sauté. Donc, si j'essaie de mettre la loi de Dieu en pratique, c'est parce que je ne le fais pas. Mais Jésus dit, si tu le fais, si tu mets en pratique la loi, tu vivras. Il n'a pas dit, si tu essaies de le mettre en pratique, mais si tu le fais, tu vivras. Nous, on va juste dire, on essaie, puis là, on pense que Dieu va nous accepter à travers ça. Oui, c'est ça. Donc, on a baissé les standards de Dieu. Puis, mais Dieu va se contenter qu'on essaie. C'est ça. On pense que si, dans balance, plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres, égale, on va au ciel. Bon,